La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, devrions-nous mieux aimer les serpents ? Quel démon, quel serpent traîne-t-elle après soi ? Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes ? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Ces vers bien connus de Racine dans Andromaque sont prononcés par Oreste, l'assassin de Pyrrhus, rendu fou de douleur par l'annonce du suicide d'Hermione, sa bien-aimée, qui, c'était pas de bol, était amoureuse de Pyrrhus. Victime d'hallucinations, Oreste se croyait encerclé par des serpents qui n'étaient pas là pour lui faire des cadeaux. Du moins était-ce ce qu'il pensait. Car au moins depuis la Genèse, où Satan prit la forme d'un serpent pour inciter Ève à manger le fruit défendu, les serpents n'ont jamais eu très bonne réputation. Ils personnifient le mal, la mort, la tentation, le sexe. On raconte même qu'ils têteraient les vaches. Et ils donnent lieu à toutes sortes de légendes dans lesquelles leur personnalité est présentée comme plutôt démoniaque. Personne n'a jamais imaginé que des serpents puissent être des sortes d'anges. Mais qu'est-ce que les scientifiques d'aujourd'hui savent vraiment des serpents ? Leur connaissance, à supposer qu'elles contredisent nos idées reçues, pourrait-elle réhabiliter ces drôles de bêtes dans l'imaginaire collectif ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Françoise Cercollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des reptiles et des amphibiens au Musée National d'Histoire Naturelle. Autrement dit, vous êtes herpétologue, c'est bien ça ? C'est ça. C'est-à-dire que vous étudiez les reptiles, les serpents, les crocodiles, les lézards, les tortues ? Oui, oui, oui. Et puis les amphibiens, c'est-à-dire les grenouilles, les crapauds, les tritons, j'en oublie ? Les tritons, les salamandres, donc tous les animaux qui n'ont soit des écailles sur le dos, soit carrément une peau nue, donc avec les amphibiens notamment. Bon, je suis pas lacanien, mais s'appeler Cercollet quand on est herpétologue, c'est quand même en clin d'œil. C'est mon nom de guerre, c'est mon nom de jeune fille associé à mon nom d'épouse, donc je pouvais pas faire autrement que de mettre les deux noms ensemble. Mais ça a joué un rôle dans le choix de votre époux ? Non, non, pas du tout. Non, pas heureusement du tout. Pour lui. Alors, moi j'ai lu comme tout le monde que Cléopâtre s'est donné la mort en se faisant piquer par un aspic avec ses deux servantes. Mm-hmm. C'est vrai ou pas ? Alors, c'est vrai. C'est ce que raconte notamment Plutarque, c'est ce que racontent les historiens. Maintenant, il faut déjà revenir sur une idée fausse, à savoir que les serpents ne piquent pas. Les serpents, ils ont des dents, donc ils vont mordre, d'accord ? Et pour Cléopâtre, c'est vrai qu'on raconte que c'est une aspic qui aurait donc été à la base donc de la mort de la reine. Bon, il faut quand même savoir que en Égypte, il n'y a pas d'aspic. Donc c'est vrai que d'un point de vue herpétologique, le serpent de Cléopâtre, ça serait plutôt un cobra. Un cobra égyptien. Ça veut dire qu'on peut attribuer une nationalité au serpent ? Eh ben oui, puisque ce sont des animaux qui vivent notamment à cet endroit-là. Donc du coup, les chercheurs leur ont donné donc le nom du lieu où ils vivent. Ça c'est assez fréquent hein, dans les noms d'espèces vernaculaires en tous les cas. Et donc il y a un doute sur le fait que un cobra égyptien, puisqu'il vous l'appelait ainsi, ait été la cause de la mort de Cléopâtre. Il y a même un doute sur le fait qu'elle se soit suicidée. Alors effectivement, il y a certains historiens et herpétologues qui pensent que c'est un meurtre parce que le cobra n'aurait pas suffisamment de venin pour tuer 3 personnes, je dirais, dans un temps aussi court. C'est surtout ça. Et donc du coup, c'est remis un petit peu en question. Mais je pense que on ne saura jamais le fin fond de l'histoire et le fin mot de l'histoire, ça c'est indéniable. Faudrait remonter des années et être témoin notamment de la scène. Bon, vous avez compris à ma première question que je ne connais rien aux serpents. On pourrait même dire que mon ignorance en la matière est encyclopédique. Donc, par exemple, je vais essayer de faire en sorte qu'il le soit moins. Alors, on a une heure pour ça. Est-ce que j'ai raison de dire que les serpents sont des animaux à sang froid, comme l'a appris ma grand-mère ? Eh ben, ça, c'est complètement faux. Bon. Donc, le terme d'animaux à sang froid, comme le terme également d'animaux à sang chaud, c'est complètement désuet. Et en plus de ça, ça veut absolument rien dire. Dans la mesure où... En fait, je le savais parce que j'ai appris qu'ils étaient ectothermes. C'est ça. Donc, les serpents sont donc des animaux donc dits ectothermes, c'est-à-dire à température variable. Ça signifie que toutes les fonctions physiologiques de ces animaux dépendent de la température extérieure. Donc c'est la raison pour laquelle les serpents vont se mettre en thermorégulation, ou comme les lézards, lézarder notamment au soleil pour récupérer donc un maximum de chaleur. Ils n'ont pas de chauffage central. Non, ils n'ont pas de chauffage central. C'est plutôt pour les mammifères, à savoir que nous mangeons, d'accord, pour maintenir notre température constante. Alors que eux, ils ont la chance donc d'avoir tous les gradients de température à leur disposition. C'est-à-dire que s'il fait trop chaud, eh ben ils vont partir de leur point de thermorégulation pour se mettre au frais. Et quand il fait vraiment trop froid, ils vont rentrer donc en hibernation, où là toutes les fonctions physiologiques vont être franchement au ralenti. Les animaux ne vont absolument plus bouger et ils ne ressortiront donc de leur latence hivernale que à la fin de l'hiver, lorsque donc la température remonte un petit peu. Et ce qui est vraiment extraordinaire chez les serpents à ce niveau-là, c'est que un serpent qui va rentrer en hibernation en pesant par exemple 1 kg, il sortira d'hibernation, il pèsera toujours 1 kg. Donc quand vous voyez par exemple chez les mammifères ou chez les marmottes, la marmotte qui mange énormément donc pendant tout l'été pour pouvoir faire de la graisse et pouvoir passer donc l'hiver avec cette graisse qui va lui servir justement à maintenir sa température constante, et sortir de l'hiver en étant toute maigre, et ben les serpents, ils ont absolument pas ce problème-là. Mais alors, à quoi sert l'énergie qu'ils absorbent par l'alimentation ? Alors, déjà à être actifs pendant leur période d'activité. Donc pour le mouvement. Alors pour le mouvement, pour tout, pour la reproduction, pour toutes les fonctions physiologiques qui sont nécessaires à leur survie. Ils ont des vertèbres, les serpents. Oui, ils ont des côtes même. Oui. À la différence des vers de terre. Mais alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont tétrapodes, c'est-à-dire qu'ils ont 4 pattes? Alors parce que rien aux serpents, mais j'ai quand même remarqué qu'ils n'avaient pas de pattes. Donc, alors c'est vrai qu'ils ont pas de pattes. Ils ont plus de pattes, mais ils ont eu. Il y a plusieurs millions d'années de ça, donc des pattes. Et donc du coup, ils ont perdu leurs pattes par l'évolution. Donc certains pensent que c'est dû au fait qu'ils se sont lancés donc dans une vie fouisseuse. Et c'est un peu comme l'orvet. L'orvet, c'est un lézard notamment qui vit en France et qui n'a plus de pattes et qui a perdu ses pattes par adaptation notamment fouisseuse. Donc ils ont eu des pattes. Donc les tétrapodes, ce sont les animaux qui ont ou qui ont eu notamment des pattes. Moi, il m'est arrivé de toucher une seule fois dans ma vie un serpent qui était élastique. Donc, est-ce qu'on a le droit de parler de la taille d'un serpent ? Alors, les serpents, ce sont des animaux, donc, on l'a bien dit tout à l'heure, donc ce sont des vertébrés, d'accord ? Et leur peau, elle est composée d'écailles. Et ces écailles sont composées elles-mêmes donc de kératine, un peu comme nos ongles, d'accord ? Nos cheveux, nos ongles. Donc, c'est vrai que lorsqu'on touche un serpent, la plupart des gens pensent que les serpents sont froids, qu'ils sont gluants, qui sont visqueux, berk, quelle horreur ces bestioles-là, alors que absolument pas. Quand on touche un serpent, au contraire, s'il était au froid, il est froid, s'il était au chaud, il est chaud, d'accord ? Et quand on touche, c'est super doux un serpent, c'est vraiment pas, et c'est pas du tout gluant, parce que déjà, ils ont pas de glandes, donc ils ont pas de glandes sudoripares, donc ils ne suent pas, et ils n'ont pas de glandes notamment de muqueuse, par exemple comme chez les amphibiens, donc c'est vraiment super sec. Notamment à serpents. Mais qu'est-ce qui leur donne cette apparence un peu, disons, huileuse ? Alors, c'est surtout le fait que vous avez des écailles. Voilà, il y a des écailles qui luisent et notamment qui vont iriser donc la lumière. Et c'est ça qui donne cet aspect un petit peu luisant. Et encore, tous les serpents n'ont pas des écailles lisses. Vous avez des serpents comme par exemple les vipères qui ont des écailles carénées. Donc ça donne vraiment une sorte de motif, notamment à la peau. De plus, vous avez aussi des serpents qui vont avoir sur la tête donc des cornes. Donc pour que la vipère à cornes, elle est assez connue. Ou là, donc, ce sont des excroissances finalement d'écailles que l'animal porte sur la tête. Mais j'évoquais la taille des serpents. Est-ce qu'on a le droit de parler d'une longueur des serpents, sachant qu'ils sont élastiques ? Alors, ils ne sont pas élastiques, les serpents. Ils peuvent se... Disons que C'est vrai qu'un serpent qui vient de manger, il va être beaucoup plus gros parce que il a une proie. Mais en longueur. Mais en longueur, si on tire sur un serpent, il va pas être élastique, ça c'est pas possible. Il va casser. Non, et vous allez lui faire mal, pauvre bête. Alors quelle est la taille, puisqu'il y en a une, qui est celle des plus gros serpents? Alors, généralement, 8-9 mètres, donc chez les pitons réticulés, c'est déjà une belle taille. Bon, c'est vrai que l'on parle de 11 mètres, notamment dans le livre des records. Maintenant, ça n'a pas été complètement avéré. Mais c'est vrai que ça fait quand même des gros serpents mètres, et des grosses bêtes. Ça fait quelle masse à peu près? Une bonne centaine de kilos, ça c'est... Et vous avez alors, il y a combien d'espèces différentes de serpents? Dans le monde, à peu près 3500. Donc vous voyez, ça fait pas énorme. Mais est-ce qu'ils sont menacés par ce qu'on raconte sur les variations d'environnement, par exemple? Alors je vais parler surtout pour la France. Ouais. Donc oui. En France, on a 13 espèces de serpents, donc vous voyez, ça, voilà, c'est pas beaucoup. Et malheureusement, comme tous les groupes zoologiques, avec la destruction des habitats, la fragmentation des habitats, et ben les espèces sont en voie de disparition. Et il y en a certaines qui se prennent de plein fouet, notamment le réchauffement climatique, par exemple. Je pense à la vipère d'Orsini, qui est une bête qui vit notamment en montagne. Et avec le réchauffement climatique, et ben c'est une bête qui va monter, mais au bout d'un moment, la montagne, elle a un sommet, donc elle pourra plus monter. Et avec le réchauffement climatique, on voit également donc les arbres donc monter, les prédateurs monter. Et donc comme c'est une espèce qui vit en milieu ouvert et qui mange notamment des orthoptères, donc des sauterelles, des criquets, etc., etc. Donc le milieu est en train de se refermer. Donc c'est vraiment quelque chose de dramatique. Et François Sartre, vous faites beaucoup de terrain, d'après ce que j'ai compris. Oui, Vous avez vu donc beaucoup de serpents, j'imagine. Je ne sais pas si vous avez j'en compté. J'en ai vu pas mal, oui. Mais est-ce que vous observez lors de vos voyages, vos expéditions en France ou ailleurs, une diminution des populations? Ah oui, bien sûr. Ah oui, franchement, en plus de ça, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans mon travail, c'est donc les comportements donc de ces animaux. Donc du coup, pour pouvoir essayer de voir un maximum de comportements, je suis amenée à voir toujours les mêmes bestioles. Donc je vais, par exemple, suivre une haie où je sais qu'il y a une population, par exemple, de vipères aspic qui vit à cet endroit-là. Et donc, du coup, je reviens jusqu'à ce que, j'ai la chance de voir et d'observer quelque chose d'intéressant. Et je m'aperçois que, avant, il y a une vingtaine d'années, sur cette même haie, je voyais vraiment énormément de vipères et de lézardvers. Et là, maintenant, quand je sors et que je vois 2-3 vipères, je suis super contente, quoi. On voit vraiment que les populations se cassent la figure. Mais c'est vrai que l'environnement donc de cette haie a énormément changé. Donc on s'aperçoit qu'avec l'agriculture intensive, de plus en plus les terrains sauvages sont de plus en plus grignotés par les constructions humaines, de tout. Et du coup, ces constructions humaines ont obligatoirement un impact sur la faune sauvage. Et ça, c'est vraiment dramatique. Est-ce qu'il y a une vie sociale chez les serpents? Est-ce qu'on les voit par coup? Je sais pas comment dire, troupeau, non, mais par meute. Si on en voit un, est-ce que ça augmente la probabilité d'en voir un deuxième? Disons que vie sociale, je vais pas franchement parler de vie sociale, parce que c'est pas vraiment des animaux sociaux, mais ce sont des animaux qui vont se regrouper, par exemple, pour la période de reproduction. Donc, c'est vrai que en ce moment, puisque nous sommes en avril-mai, nous sommes au printemps, donc là, les mâles vont chercher les femelles, et dès qu'il y a une femelle qui est prête, notamment à l'accouplement, on va voir donc plusieurs mâles arriver et jouer les donjuans, notamment pour la reproduction. Et c'est vrai que au niveau comportemental, ça va être super intéressant dans la mesure où les mâles vont se battre, notamment pour la femelle. Ils se battent comment? Ils se battent? Oui. Justement. C'était ma question. Je suis bavarde, hein, je vous l'avais dit. Non, hein. tout va très bien. Et donc, du coup, ils vont entamer une sorte de danse, donc rituelle, c'est-à-dire que les deux mâles vont s'entrelacer. Et à la manière d'un bras de fer, donc le plus fort va abaisser donc la tête du plus faible. Et donc, et bien évidemment, c'est le plus fort qui pourra aller s'accoupler. Mais qu'est-ce qu'elle fait la femelle pendant ce temps-là ? Elle attend. Elle applaudit ? Elle attend. Non, applaudir. pas de main. Non, avec ses mains virtuelles. C'est ma virtuelle, oui. Et donc, du coup, le plus fort pourra après s'accoupler avec la femelle. Mais si celui qui a perdu attend un petit peu, il pourra quand même aller voir la femelle. Parce que ce qui est vraiment étonnant chez ces espèces, là je parle notamment des vipères, c'est que donc la période de fécondation ne correspond pas à la période de copulation, c'est-à-dire que la femelle, elle va donc récupérer donc le sperme donc des mâles, et la période d'ovulation aura lieu donc les 15 premiers jours de juin, donc pour notre pays, hein, bien sûr, et c'est à ce moment-là que la fécondation donc aura lieu. Donc pendant je sais pas moi du mois de mars jusqu'à fin mai, eh ben on peut assister notamment à des comportements de reproduction. Et vous avez assisté vous-même à des copulations de serpents ? Oui. Et par contre, il faut être hyper discret et faire très très très attention pendant une copulation, pendant l'observation d'une copulation, parce que les serpents, ils ont, enfin notamment les mâles, ils ont ce que l'on appelle des hémipénis, c'est-à-dire qu'ils ont deux pénis. Et sur chaque, enfin pour les vipères, sur chaque pénis, vous avez donc des espèces de petits crochets, des espèces de petites épines. Et lors de la copulation, le mâle va utiliser un seul donc de ses pénis pour donc pénétrer donc la femelle. Mais à quoi sert l'autre ? Eh ben, pas à grand chose. Disons que on pense que si la femelle est à droite, il va utiliser son pénis de droite. Si la femelle est à gauche, il utilisera son pénis de gauche. C'est pas une roue de secours. Je vous vois déçu là. Je sens la déception. Mais je disais que j'y connaissais rien, mais en fait j'ai quand même un peu lu pour préparer cette émission et j'ai lu quelque part que certaines espèces de mâles se travestissent en femelles au moment de la reproduction. Alors, c'est vrai, et je voudrais juste terminer sur ce que sur le double pénis, c'est que si on enquiquine notamment un couple en train de copuler, la femelle peut prendre peur et tracter le mâle par le pénis en s'échappant. Donc ça ne doit pas être très très rigolo, à la fois pour elle et à la fois pour lui. Je vous fais pas dire. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors revenons à ce travestissement des mâles en femelles. Ça, ce sont des espèces qui vivent notamment au Canada. Et donc ce sont des animaux qu'on a, enfin le nom latin c'est Tamnophis sertalis. Donc ce sont des couleuvres qui l'hiver vont toutes hiberner en même temps, c'est-à-dire que dans une cavité, il peut y avoir donc plusieurs centaines notamment de serpents. Et donc au moment donc de la sortie d'hibernation, vous allez avoir donc les mâles qui vont sortir notamment en premier, qui vont faire leur première mue, d'accord, qui vont aussi servir de repas aux prédateurs. Et puis dans la nature, il vaut mieux que ce soit les mâles qui servent de nourriture que les femelles. Eh oui, désolé messieurs. Parce que les femelles, c'est elles qui portent notamment les petits et qui pondent les œufs. Donc elles sont beaucoup plus utiles, même s'il faut quand même des mâles. Et bien que, chez les serpents, on a ce que l'on appelle de la parthénogenèse, c'est-à-dire qu'une femelle, toute seule comme une grande, elle peut mettre au monde donc des bébés, des sortes de clones, notamment d'elle-même. Donc vous voyez, les mâles ont un rôle, disons, mineur, si je comprends bien. Et donc à la sortie d'hibernation donc de ces couleuvres, vous allez avoir donc une femelle qui va sortir, et là vous avez plein de mâles qui vont monter sur la femelle. Ça fait vraiment des gros tas de serpents, et il y a une femelle donc au milieu. Et à ce moment-là, il y a d'autres mâles qui sont restés donc beaucoup plus longtemps donc en hibernation. et qui vont sortir et qui vont notamment se travestir donc en femelles. Et ils se travestissent comment? Eh ben avec notamment les phéromones. Donc ils vont propager donc des phéromones de femelles donc dans le coin. Du coup les mâles vont sentir cette bonne odeur de femelle et vont aller vers les travestis pour se frotter notamment à eux, les réchauffer donc par la même occasion, et du coup ils abandonnent la vraie femelle. Donc c'est ça, une sorte de diversion. Voilà, ça peut faire une diversion, et c'est vrai que bah le mâle travesti a aussi la possibilité donc d'aller se reproduire avec la dite femelle. Et une fois que c'est fait, la femelle, elle va fabriquer une sorte de mucus qui va donc boucher donc son cloaque, bourré de phéromones, et qui là signifie eh oh, c'est fini, c'est bon, je peux enfin aller manger. Ah, c'est passionnant tout ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour analyser, observer déjà ces comportements? Ça doit être. Eh ben, je pense qu'il faut se transformer en tronc d'arbre. C'est-à-dire ne pas bouger, essayer de se mettre donc dans un coin, et puis à partir du moment où on a repéré notamment un animal, et il faut faire attention à son ombre, ne pas avoir son ombre devant soi, parce que sinon bah la bête elle voit l'ombre et puis elle s'échappe, et essayer donc bah de se fondre dans le décor pour ne pas enquiquiner notamment les animaux, surtout si vous voulez voir des comportements voilà, si vous dérangez, vous ne verrez pas de comportement. De plus, tous les reptiles de France sont protégés. Donc on n'a pas le droit de les tuer, on n'a pas le droit de les déplacer. Bref, vous avez le droit de rien faire, espèce complètement protégée. Sauf de regarder. Sauf de regarder. Toucher avec les yeux. Est-ce que c'est vrai que les serpents tombent des arbres? Alors, un serpent qui tombe d'un arbre, déjà c'est super rare. Donc c'est soit ben voilà, il a essayé de choper une proie, il s'est loupé et puis ben il s'est cassé la figure. C'est un accident. Voilà. Donc c'est accidentel. Maintenant, un serpent qui tombe d'un arbre, pauvre bête, il faut penser à lui, à l'atterrissage. Donc c'est vraiment accidentel la plupart du temps. En tous les cas, mais pourquoi il y a cette légende alors qui court depuis presque toujours? Ah ben parce que l'imagination fertile et débordante de l'espèce humaine est sans limite, hein. La peur du serpent est tellement ancrée dans nos gènes quelque part que ça m'étonne pas qu'on imagine voilà, des serpents qui vous tombent dessus ou des serpents qui vous courent après pour essayer de vous mordre ou voilà, le serpent il a toujours cette représentation d'animal qui attaque l'espèce humaine, alors qu'il en a absolument mais rien à faire de l'espèce humaine. Il fuit. Le serpent, c'est un trouillard. Un serpent qui mord, c'est parce que il est acculé, c'est parce que vous l'avez attrapé, parce que il faut bien qu'il se défende, et comme il n'a pas de bras, il peut pas vous balancer un coup de poing ni un coup de pied. Donc qu'est-ce qu'il a à sa disposition? Ses dents. Donc là, effectivement, il va mordre. Bon, mais il y a aussi il tombe pas des arbres, vous l'avez expliqué, mais il y a des serpents volants. Alors oui, il y a des serpents volants, enfin planants volant, plutôt. Planent, oui. Voilà, ils planent. Et ça, ce sont plus des espèces qui vivent notamment en Asie. Et donc le serpent, il va passer d'un arbre à un autre, donc à la manière d'un planeur, c'est-à-dire que il va s'aplatir au maximum et notamment déplacer ses côtes pour pouvoir planer donc plus facilement. Et ça, c'est une façon aussi que l'animal a trouvé pour se déplacer. Alors François Cercolet, il y a des noms de serpents qui sont quand même bizarres. J'ai lu dans votre livre qui s'intitule 50 idéfauts sur les serpents qu'il existe une couleuvre helvétique corse. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les termes? Et non, c'est pas une contradiction dans les termes. Effectivement, là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez rigolo. C'est que il s'avère que en France, nous avions trois espèces donc de couleuvres qu'on appelait notamment la couleuvre à collier. Et du coup, le nom latin de la couleuvre à collier, c'est Natrix natrix helvetica. Donc c'était une sous-espèce et ce nom et cette espèce a été donc rehaussée, réélevée au rang d'espèce. Donc du coup maintenant elle s'appelle Natrix helvetica. Donc la couleuvre à collier telle qu'on la connaissait, a changé de nom. Et du coup, elle s'appelle donc couleuvre... helvétique. Et en Corse, donc il y a donc là il y a une couleuvre à collier donc corse qui était Natrix Natrix Corsa. Et du coup, ben le fait qu'elle soit passée donc au rang d'espèce fait que ben elle est devenue donc la couleuvre donc helvétique corse, puisque c'est la traduction finalement du nom latin de l'espèce. Je comprends, mais est-ce qu'on est capable de dire comment les couleuvres sont arrivées en Corse? Alors, pour les couleuvres, oui, c'est certainement avec les bateaux, et comme les couleuvres pondent donc beaucoup d'œufs, je dirais obligatoirement, si une femelle gravide, je dirais qui débarque avec donc une vingtaine voire une trentaine d'œufs pour la couleuvre à collier, ben ça peut, je dirais surtout s'il y en a plusieurs, ça peut être la base notamment d'une population. Par contre, pour les vipères, c'est franchement autre chose, parce que les vipères, elles ne se reproduisent pas tous les ans. La couleuvre, elle est, pour la plupart des espèces, les couleuvres, elles sont ovipares, c'est-à-dire qu'elles pondent des œufs. Alors que les vipères, elles sont dites vivipares. Ça signifie que elles ont des œufs dans le ventre et les œufs sont couvés dans le ventre. Donc, au moment donc de la mise bas, eh ben, c'est une enveloppe avec un petit vipéreau qui est complètement formé, qui sort donc du cloaque de la femelle. D'accord? Et une femelle, et elle porte environ 8 bébés. Donc ça fait pas beaucoup. Donc ça signifie que pour créer notamment une population, il faudrait déjà que la vipère, elle arrive donc pleine. D'accord? Que tous les bébés est survécu, je dirais, à la grossesse, parce que je pense que le stress de la traversée, ça aide pas à la manœuvre. Et après, il faut savoir que la vipère, elle ne se reproduit pas tous les ans comme la couleuvre. La couleuvre, elle peut se reproduire tous les ans. Donc, vous imaginez un peu le nombre d'individus qu'elle est capable de mettre au monde, je dirais, pour créer sa population. Alors que la vipère, elle va se reproduire tous les 2, tous les 3, voire tous les 4 ans. Elle a une durée de vie de combien ? Entre 10 et 15 ans. Donc, ça fait beaucoup de conditions. C'est ça, ça fait vraiment. Et en plus de ça, on a montré que les vipères, si elles arrivent à refaire notamment leurs réserves pour remener à bien donc une gestation, c'est bon, elle arrivera à survivre. Sinon, elle va mourir après la gestation. Donc, parce qu'elle ne trouvera pas forcément assez de nourriture pour refaire notamment ses réserves énergétiques. Donc, du coup, ça veut dire que, elles sont souvent primipares, c'est-à-dire qu'elles ont mis au monde une seule fois dans leur vie et après elles meurent. Donc, pour pouvoir créer une population, il faudrait vraiment qu'il y ait plein d'individus qui soient introduits volontairement, la plupart du temps, donc par l'homme. À quoi est-ce qu'on reconnaît une vipère? Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Comment on la distingue, par exemple, des couleuvres? Mm-hmm. La forme de la tête? Est-ce que c'est des critères qui ne valent qu'en France, ou est-ce qu'ils ont une portée plus universelle? Non, les critères que je vais vous donner là maintenant tout de suite, ce sont des critères qui concernent uniquement la France et les pays limitrophes. C'est-à-dire qu'une vipère, on la reconnaît surtout... Une vipère française. Vipère française, ou même vipère espagnole, italienne, suisse. On la reconnaît parce qu'elle a la pupille verticale, comme un œil de chat. Et d'ailleurs, à la lumière, ça se dilate. Donc il y a ça. Après, sur la tête, les vipères, elles ont des toutes petites écailles, donc céphaliques. De plus, elles ont 3 rangées d'écailles, ou 2 rangées d'écailles, entre l'œil et la bouche. Et puis, généralement, on les reconnaît surtout au niveau de la queue, c'est-à-dire que la vipère, elle a vraiment une queue qui est brusquement rétrécie. Et un petit serpent, donc de moins de 80-90 cm, et encore 90 c'est déjà pas mal, c'est une vipère. Alors que la couleuvre, elle, on la reconnaît parce qu'elle a la pupille ronde, comme le haut de couleuvre, Elle a de grosses écailles céphaliques sur la tête, notamment 9 grosses écailles. Elle a une queue longue et effilée. Et un gros serpent en France, c'est obligatoirement une couleuvre. Donc ça veut dire que le V sur la tête triangulaire telle qu'on... Voilà, on en parle, on nous l'explique. C'est absolument faux, vous pouvez mettre ça à la poubelle parce que vous avez des couleuvres qui vont rendre leur tête triangulaire et qui vont aussi avoir ce V sur la tête. Et idem pour donc les histoires de zigzag, donc sur le dos de l'animal, c'est pas du tout un critère d'identification. En France, on a par exemple la couleuvre vipérine qui rend sa tête triangulaire, qui a des zigzags sur le dos, qui ressemble à une vipère, d'ailleurs on l'appelle l'aspic d'eau. Et c'est une bête complètement inoffensive qui mange des poissons. Et c'est vrai que quand vous allez dans le sud et que vous voyez un serpent dans l'eau, c'est à 99% une couleuvre, et notamment une couleuvre vipérine. Il n'y a aucun risque en l'occurrence. Ah non, il n'y a aucun risque. Ça mord même pas, ça cherche même pas à mordre. Donc vraiment, mais plus qu'inoffensif que ça, tu meurs. Mais pourtant, quand on voit cela, ça m'est arrivé, c'est quand même un choc, ça ne semble pas être un événement rassurant. Ben, ça dépend pour qui. Moi, quand je vois un serpent dans l'eau, je dis « Ouais, chouette, il y a un serpent dans l'eau !» Mais vous êtes quelqu'un d'assez spécial, non, si vous me permettez. Non, je ne suis pas spécial. Vraiment, il y a pas mal de gens qui s'intéressent donc aux serpents. Il y a de plus en plus de jeunes, maintenant, qui se lancent dans l'herpétologie. Et heureusement, parce qu'il faut bien aussi assurer la relève, et ça fait chaud au cœur de voir tous ces jeunes qui se lancent dans la protection notamment des serpents. Mais c'est vrai que la plupart des gens ont peur donc des serpents parce que c'est un animal qu'on n'entend pas, c'est un animal qui sort comme ça de je ne sais où, etc. Et comme vous le disiez très bien lors de votre introduction, dans notre civilisation judéo-chrétienne, le serpent, il est mal aimé. Le serpent, il représente Satan, il représente le mal, il représente vraiment le diable. Et c'est vrai que ça date notamment de la Genèse avec le serpent qui a poussé Ève, notamment, à manger la pomme. Mais, d'un point de vue d'une herpétologue ou d'un herpétologue, on peut voir donc l'interprétation de la Genèse, mais complètement différente. Moi, j'imagine très bien que le paradis originel, bon, bah, c'était merveilleux. Il y avait Adam et Ève qui étaient là, mais Adam et Ève, ils n'avaient aucune culture, aucune connaissance. Donc finalement, bah, c'était quoi? Deux beaux légumes dans un beau jardin? N'est-ce pas? Donc, quelque part, le serpent, eh ben, il a poussé Ève à manger le fruit de la connaissance. Donc, c'est grâce au serpent que nous sommes là aujourd'hui à discuter de... Il était décrit comme rusé. Oui, il était peut-être décrit comme rusé, mais ça, c'est encore une interprétation. Moi, je pense que, il a sorti Adam et Ève de sa condition de légumes. Et d'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle, Adam et Ève prennent leur nom après la chute, après avoir été donc éjectés du paradis, au même titre que Ève, elle perd sa virginité. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'ils faisaient pendant donc en tant que légume dans le paradis originel? Écoutez, on va laisser pas l'amour. On va laisser cette question aux théologiens. Est-ce que c'est un sens de dire que les serpents sont paresseux? Alors, les serpents, non, ils sont pas. On peut pas vraiment dire qu'ils soient paresseux. C'est vrai que on les voit lover sur eux-mêmes parce qu'ils sont en thermorégulation. Donc, ils sont en train donc de capter donc un maximum de chaleur pour pouvoir aller vaquer notamment à leurs occupations. Mais est-ce que c'est de la fainéantise? Bon, j'ai posé la question parce que la chanson que vous avez choisie, c'est Lazy de Deep Purple. On va l'écouter. Vrai. No money. Françoise Cercolet, vous avez choisi ce chef-d'œuvre Lazy de Deep Purple. Oui. Simplement parce que c'est un chef-d'œuvre ou il y a d'autres raisons? Oh non, j'adore ce morceau, je le trouve vraiment extraordinaire et tout à fait révélateur de toute ma génération finalement. Qui est la même que la mienne, je crois, quelques décennies près. Alors on parle de musique, c'est le moment de vous parler des charmeurs de serpents. On sort une flûte, on fait un peu de musique, les serpents, enfin le cobra, c'est des cobras en général. C'est ça, ce sont des cobras. Se mettent à danser, est-ce qu'on les charme vraiment? Est-ce qu'ils sont sourds ou pas? Qu'est-ce qu'ils entendent? Est-ce que la musique a un effet sur eux ou pas? Alors, la musique, non, les serpents sont pas complètement sourds. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'oreille externe, mais ils ont quand même une oreille interne qui est très limitée puisqu'il y a juste une columelle. Donc les serpents, ils vont surtout capter les vibrations du sol et les vibrations également de l'air. D'accord, ça a été prouvé notamment avec des pitons. Et donc pourquoi le serpent, c'est vrai qu'il sort de son panier et puis il commence à danser. Et ben finalement, il va suivre le mouvement donc du charmeur. Et donc si le charmeur donc bouge dans tous les sens ou fait bouger notamment sa flûte, et ben le serpent va suivre notamment la flûte. Donc c'est surtout avec ses yeux. Donc c'est un effet mimétique. Donc voilà, donc il va suivre pour finalement voir à quel moment il peut éventuellement peut-être attaquer notamment le charmeur. Et c'est vrai que les cobras, ils ont la possibilité donc de se redresser, donc de déployer notamment leur capuchon. Et notamment, je voudrais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure avec le serpent qui était vraiment mal aimé dans notre civilisation judéo-chrétienne. Il faut savoir que en Asie, le serpent, lui, il est vénéré, et notamment le cobra est vraiment vénéré. Et pourquoi? Ben parce que un jour, Bouddha, soit s'est endormi en plein soleil, soit méditait sous une pluie torrentielle, et le cobra donc a vu ça. Et donc du coup, il s'est approché de Bouddha, a déployé son capuchon au-dessus de la tête de Bouddha pour soit lui servir de parasol, soit de parapluie. Et quand Bouddha a repris ses esprits et qu'il a vu que le cobra venait de lui sauver la vie, eh ben il a posé ses deux doigts donc derrière le capuchon donc du serpent. Et ce que nous on appelle donc le serpent à lunettes, eh ben ce sont absolument pas les lunettes, ce sont les doigts de Bouddha. Donc vous voyez que en Asie, le cobra, il est vraiment, c'est vraiment un animal vénéré. C'est vraiment, il a vraiment une connotation positive, donc auprès des gens. En Birmanie, j'ai lu ça dans votre livre, les jeunes femmes doivent embrasser un cobra. C'est le baiser de la Vierge. C'est ça, le baiser de la Vierge. Et c'est vrai que les jeunes femmes donc s'approchent et posent notamment délicatement donc leurs lèvres sur le capuchon donc du serpent. Mais vous allez m'expliquer que c'est agréable et pas dangereux. Bah écoutez, si c'est dangereux, bien sûr que c'est dangereux. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance l'année dernière de partir en Malaisie et de rencontrer un charmeur de serpents qui avait un cobra royal de 4 mètres et qui l'utilisait notamment pour ses spectacles. Donc j'ai été un peu formée entre guillemets à la manipulation donc de cet animal et de faire mumus donc avec ce cobra. Et on s'aperçoit que c'est un peu bête comme bestiole, je dirais. Il suffit d'apprendre à se positionner notamment devant le serpent pour qu'il vous suive. Et c'est pas un animal hyper agressif. C'est surtout dans, encore une fois, notre imaginaire qui fait que on voit toujours le serpent en train de vous sauter dessus et de vous mordre ou de vous enserrer de ses anneaux. Alors que non, c'est pas. Maintenant, je me suis pas amusée à lui faire un bisou sur le capuchon. Hein. Alors j'aimerais bien avoir votre réaction à ces quelques lignes écrites par Antonin Artaud, qui dans Le théâtre et son double dit ceci, il parle des serpents, « Si la musique agit sur les serpents, ce n'est pas par les notions spirituelles qu'elle leur apporte, mais parce que les serpents sont longs, qu'ils s'enroulent longuement sur la terre, que leur corps touche à la terre par sa presque totalité. » Et les vibrations musicales qui se communiquent à la terre l'atteignent comme un massage très subtil et très long. Waouh. C'est juste ou pas? Alors, c'est vrai que au niveau des vibrations, je dirais c'est surtout le charmeur qui va taper des pieds pour que le serpent réagisse. Et c'est vrai aussi que les serpents, ils vont capter ces vibrations avec les grosses écailles qu'ils ont au niveau du ventre. Et donc ces vibrations vont être transmises donc au squelette. D'accord. Et via le squelette vont être transmises à un os que l'on appelle l'os carré et qui, via encore une fois l'os carré, va arriver donc à la columelle. Maintenant, de dire que ce soit aussi subtil, je suis quand même assez sceptique. Est-ce qu'on comprend bien la façon dont ils se déplacent, les serpents? Parce qu'il y a plusieurs modes de déplacement, j'ai l'impression. Oui, il y a le mouvement en zigzag qu'on connaît bien. Voilà. Mais même lorsqu'ils sont obligés d'avancer dans un tuyau, par exemple, ils y parviennent sans onduler. Absolument. Comment est-ce qu'ils font? Encore une fois, grâce à ces fameuses plaques ventrales dont je viens de parler, qui vont notamment choper toutes les aspérités donc du sol. Et c'est soit le serpent, il va se déplacer de façon latérale, en ondulation, en accordéon. Donc il y a différentes modes de locomotion. Il y a même des serpents arboricoles, donc qui vont se déplacer de branche en branche. Et très vite. Et très vite, effectivement. Le mamba, il atteint 11 km/h sur quelques mètres, sur une quarantaine de mètres. Donc c'est vraiment très très court. Et d'ailleurs, ça fait de lui d'ailleurs le serpent le plus rapide au monde. Mais après, vous avez aussi des serpents qui vont nager. Donc il y a des serpents qui sont semi-aquatiques, comme la fameuse couleuvre à collier, donc helvétique, dont on parlait tout à l'heure, ou la couleuvre vipérine. Et puis vous avez également des serpents qui sont complètement marins, comme par exemple donc la pélamide bicolore. C'est une espèce complètement pélagique et qui s'est complètement adaptée au milieu marin, au point que les grosses plaques dont je vous parlais tout à l'heure au niveau du ventre, sont devenues de toutes petites écailles. Et ça veut dire que quand l'animal va se retrouver à cause d'un ouragan ou d'une tempête, donc sur une plage, elle peut plus du tout bouger, elle est plus du tout capable de se mouvoir. Par contre, dans le milieu liquide, là, elle fait des marches arrière, etc. Enfin bon, c'est extraordinaire. Et c'est une adaptation au milieu marin. Et est-ce qu'un serpent peut se transformer en cercle, c'est-à-dire se mordre la queue? Non. Pourquoi il y a cette histoire? Ça, c'est le Ouroboros, donc c'est vraiment le symbole du renouveau, donc le cycle éternel, donc l'éternelle jeunesse également, donc la continuité donc des saisons, etc. Et c'est vrai que ce symbole, on le retrouve un petit peu partout, donc dans différentes civilisations. Mais un serpent ne peut pas, se mordre la queue et se déplacer à la manière d'une roue de vélo, comme on peut l'entendre dans nos campagnes, par exemple. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, on entend dire que les serpents remontent par les toilettes. Oui. C'est vrai, ça? Alors oui, c'est vrai. Et surtout dans les pays tropicaux où les toilettes, ne sont pas aussi sophistiquées qu'à Radio France, par exemple. Donc du coup, les animaux vont donc remonter parce que ils vont rechercher notamment la fraîcheur quand il fait chaud. Et en plus de ça, il y a des rats, il y a des souris dans les égouts. Donc il y fait chaud. Enfin, il y fait un petit peu plus frais, et il y a la bouffe qui va avec. Donc. Est-ce que on sait ce qu'il faut faire? Alors, on a compris qu'un serpent ne pique pas, il mord. Ouais. En cas de morsure, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut déjà surtout ne pas faire. Déjà, ça c'est la première chose. Il ne faut surtout pas paniquer, sauter dans tous les sens, courir, etc. Enfin, paniquer. Donc bien évidemment, il faut rassurer la victime donc un maximum. Parce que plus vous allez vous énerver, et plus s'il y a eu injection de venin donc dans l'organisme, donc l'accélération sanguine fait que la propagation du venin dans l'organisme va être importante. Donc il faut rester calme, se dire tout va s'arranger, même absolument. Mal. Absolument. Mais tout à fait, tout va s'arranger. Surtout dans notre pays, je dirais, on a, je dirais, des hôpitaux un peu partout. Et c'est vrai qu'une morsure de serpent, vous avez au moins 3 heures pour aller jusqu'à l'hôpital. Donc, voilà. On reste calme, on appelle les secours et on allonge la victime ou alors on va à l'hôpital le plus proche sans se presser, sans se paniquer. Et on évite de boire de l'alcool, de manger de l'aspirine, donc tout ce qui est excitant, donc vous oubliez ça. On fait pas pipi sur la morsure, parce que ça je l'en sens assez souvent. On ne prend pas un couteau pour essayer de couper, pour essayer de faire sortir le venin, ça ne sert absolument à rien, parce que s'il y a eu injection de venin, il a été injecté profondément dans les tissus, et donc vous ne faites qu'aggraver les choses. Au même titre que ce n'est pas la peine non plus de prendre donc une flamme, donc un briquet, donc de brûler notamment la plaie, parce que déjà vous allez avoir une brûlure, mais en plus de ça, ça ne sert à rien dans la mesure où le venin, il est thermostable. Donc les toxines ne sont pas détruites par la chaleur. Et surtout, ne pas faire de garrot. Donc le garrot, c'est vraiment quelque chose à éviter donc au maximum, parce que c'est vrai que vous empêchez le venin de monter, et encore, mais de l'autre côté, vous empêchez le sang de passer. Et le fait, notamment, d'arriver à l'hôpital avec un garrot, eh ben, vous risquez d'y passer à cause du garrot. Et ce qu'il faut surtout retenir de tout ça, c'est qu'une morsure n'est pas forcément suivi d'une envenimation, c'est-à-dire que le serpent peut vous mordre et ne rien vous injecter du tout. C'est ce que l'on appelle une morsure blanche. Et la plupart du temps, les serpents, bon, on n'a pas de statistiques parce que bah, ça serait quand même difficile à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a moyen de le savoir avant de mourir? C'est ça. Et surtout que vous avez des gens qui arrivent à l'hôpital en disant « je me suis fait mordre par une vipère » et finalement c'est une piqûre de ronce, parce que les gens ont très très très peur, notamment des vipères. Et en France, on n'a même pas un mort par an dû au serpent venimeux. Je crois que c'est les statistiques, c'est 0,03. Enfin, c'est complètement ridicule, alors que là, ce sont les départs en vacances et les voitures font beaucoup plus d'accidents mortels que les serpents. Bon, je vous parle pas des vaches. Attends, je suis content de vous avoir rencontré, parce qu'en cas de morsure, j'aurais eu tout faux là. Ah oui. J'aurais commencé par l'alcool. Le pastis, non. Il faut désinfecter la plaie, par contre. J'ai dit dans mon introduction que les serpents, c'est une légende, est-ce qu'elle est vraie ou pas, têtent les vaches. C'est vrai ou pas? Alors, ça c'est encore une fois complètement faux. Alors, c'est vrai que les gens imaginent, peuvent trouver effectivement des serpents dans les étables, oui. Mais le serpent qui va être rentré dans l'étable, il ne va pas rentrer parce qu'il y a des vaches à téter. Le lait, il n'en a absolument rien à faire, c'est absolument pas un mammifère. Donc, voilà. Donc là, aucune référence notamment avec le lait. Donc le serpent qui va rentrer notamment dans une étable, il rentre, pourquoi? Parce que, un, il fait chaud. La plupart du temps, ce sont des couleuvres qui rentrent. Et elles rentrent pourquoi? Parce qu'il y a du fumier, et donc du coup le fumier, c'est un endroit chaud et humide pour y pondre les œufs. Et il faut savoir que, notamment si on reprend donc l'histoire de la couleuvre helvétique, donc ex-couleuvre à collier, cet animal-là a une façon très particulière donc de faire face à un prédateur. Comment elle fait? Eh ben, elle fait la morte, c'est-à-dire qu'elle se met sur le dos comme ça, elle vous montre ses plaques ventrales, elle ouvre la gueule, il y a la langue qui pend. D'accord? Et elle devient complètement flasque, elle est complètement tombée en catalepsie, et là, elle vide son cloaque. Et ça pue, mais ça pue vraiment, vraiment très très fort. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire au prédateur, donc non charognard, eh oh, je suis pourrie et morte, tu peux pas me bouffer, je suis immangeable. Et du coup, ce qui sort de son cloaque, c'est blanc. Ah, et on croit que c'est du lait. Voilà. La vache. Et du coup, qu'est-ce qui arrive à un serpent qui rentre dans une étable en France? Eh ben, il se prend le fameux coup de pelle. C'est-à-dire que la personne, eh ben, elle y va, elle l'éclate complètement. Et la plupart du temps, donc, ce sont des animaux qui ont des œufs dans le ventre. Et les œufs sont blancs. Et les enveloppes sont blanches. Donc, entre donc ces résidus de cloaque et ces enveloppes blanches d'œufs, eh ben on a vite fait le lien, notamment avec le lait des vaches. Bon, ça fait beaucoup d'idées fausses qu'il faut déconstruire. Gros travail. Eh oui, raison de mon l'idée, livre. L'idée que les serpents hypnotisent leur proie, j'imagine que c'est aussi... Eh, confiance. C'est encore une blague. C'est ça, c'est encore une blague. C'est surtout dû au fait que donc le « Aie confiance » de K.A. avec Walt Disney... Enfin, on le disait avant quand même. Oui, mais Kipling, il a jamais écrit que K.A. hypnotisait Mowgli pour le manger. Hein. Ça, c'est une invention de Walt Disney. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les serpents, eh ben, ils ont pas de paupières. Ils ont une écaille qui va protéger notamment les globes oculaires, mais on a vraiment cette impression d'avoir un regard fixe. Et il est vrai aussi que si vous observez la moitié d'une scène de prédation, où normalement la vipère, par exemple, quand elle chasse, elle va chasser à l'affût. Donc il va y avoir par exemple un mulot ou un micro-mammifère qui va passer à côté d'elle. Elle le mord. Elle lui injecte son venin, et là, elle relâche. Le micro-mammifère va mourir un petit peu plus loin, d'accord? Et du coup, le serpent, bah, il attend. Il attend que le micro-mammifère soit mort. Donc, si vous arrivez à ce moment-là et que vous n'avez pas vu la séquence de morsure, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir un mulot qui est complètement pris par des convulsions, et puis la vipère qui est à côté, et qui regarde... qu'on a l'impression qu'il regarde son mulot. Donc on a aussi l'impression que la vipère, elle tue du regard donc ce micro-mammifère. Alors que vous avez loupé la première scène, à savoir donc la morsure. Et après, le serpent, avec la langue, donc il va capter donc les odeurs donc de la souris, qui va capter donc ces odeurs et il va transmettre toutes ces informations à un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson, qui se trouve dans le palais de l'animal. Et donc, il va retrouver donc son mulot, et là, il va le manger en commençant par la tête, la plupart du temps. Bon, voilà une belle légende détruite, si j'ose dire. Il y en a une autre, c'est que les boas constrictors, par exemple, sont capables d'étouffer leurs victimes. Or, on sait depuis 2015, si je crois ce que vous écrivez dans votre livre, grâce à une étude américaine, que c'est faux. Absolument. Donc c'est. Qu'est-ce qui se passe quand un animal. Disons que un serpent, quand il veut manger, la première chose qu'il fait, c'est attraper sa proie. Et comme les dents donc des serpents sont incurvées donc vers l'arrière, ça va servir de crochet, ça va servir d'hameçon. Et du coup, ça empêche la proie donc de s'échapper. Et donc pour les serpents, donc pour les constricteurs, donc le serpent va s'enrouler notamment autour de sa proie et il ne va rien casser et il ne va pas étouffer notamment sa proie, il va jouer sur la circulation sanguine. Donc il va jouer sur la pression donc sanguine et ça... Il fait un garrot Voilà, il fait, si vous préférez, donc il va faire un garrot et effectivement ça va... Un garrot donc, ajustable Absolument, parce qu'il le sent. Il sent donc la proie, et donc du coup, il va serrer encore un petit peu plus, parce que en jouant sur la pression sanguine, ça va être beaucoup plus rapide pour la mort que en cherchant à l'étouffer, d'accord ? Puisque il faut pas oublier que le but, c'est de tuer le plus rapidement possible la proie. Pour faire le moins d'efforts. Et pour faire le moins d'efforts et pour surtout qu'elle s'échappe pas ou que la proie puisse se retourner aussi contre le serpent. Bon, je sais pas si vous m'avez convaincu que les serpents pourraient être des êtres sympathiques, gentils, aimables. Oh si. C'est quand même des espèces extraordinaires. Vous vous rendez compte, on a découvert un truc il n'y a pas si longtemps que ça, donc une étude par mes collègues du CNRS de Moulis, ont découvert que les serpents, notamment les couleuvres, couleuvres vipérines ou couleuvres à collier, pondent des œufs et les œufs sont collés les uns aux autres, d'accord ? Et du coup, ils ont montré qu'il y avait une communication qui s'établissait entre les embryons à l'intérieur de l'œuf. Et ils communiquent comment ? En utilisant les battements de leur cœur. Donc soit ils augmentent donc les battements cardiaques, tout ça pour augmenter donc leur vitesse de croissance, soit ils ralentissent donc les battements cardiaques pour ralentir notamment leur croissance. Et tout ça pourquoi ? pour que tout le monde puisse sortir pratiquement en même temps. Comme ça, s'il y a un prédateur dans le coin, bah, il ne peut pas manger tout le monde. On parle quand même d'embryons de serpents dans l'œuf qui communiquent, quoi. C'est extraordinaire. D'intrication prénatale, on pourrait dire ça. C'est ça. Alors, j'ai quand même trouvé quelqu'un qui aime peut-être plus, en tout cas, au moins autant que vous, les serpents. C'est Jean Giono. Dans son livre Jean le Bleu, il écrit ceci. Une fois, j'avais regardé un serpent de très près. Je n'ai jamais eu peur des serpents. Je les aime comme j'aime les belettes, les fouines, les perdreaux, les petits lapins. Tout ce qui n'a pas la hantise de la mort et l'hypocrisie de l'amour. Les serpents sont d'admirables bêtes paisibles et sensuelles, nées au plus creux du monde, dans l'endroit où doit se trouver l'essence des granites, des basaltes et des porphyres. Ils sont vraiment d'une beauté et d'une grâce extraordinaires. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Vous êtes d'accord avec ça? Oh oui! Ben voilà, Jean Giono, dans son livre Jean le Bleu. Comment est-ce que vous pensez qu'on devrait considérer les serpents comme une espèce en voie de disparition? On devrait encore plus les protéger? Moi, je suis de toute façon pour la protection. Déjà, de par mon métier, j'appartiens quand même au service du patrimoine naturel, donc du muséum, dont le but, c'est franchement de la protection de nos écosystèmes. Donc, je dirais, ce sont des animaux qui ont le droit de vivre, qui font partie de nos écosystèmes, et qui sommes-nous, nous les adultes, les humains, pour nous donner le droit de vie ou de mort sur une espèce telle qu'elle soit. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie, Françoise Cercolet, d'être venue efficacement réhabiliter les serpents. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Alain Joubert et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Honaud-Dibiot pour le temps des écrivains.